Construit au XVIe siècle, le temple de Wat Pho est le plus vieux et le plus grand de Bangkok. Il abrite le célèbre Bouddha couché. D'une longueur de 46 mètres et d'une hauteur de 15 mètres, il représente Bouddha en position d'ascension au Paranirvana. Les punaises cavernicoles font l'amour en permanence, n'importe où et avec n'importe qui. C'est sans aucun doute la bête dotée de la sexualité la plus insolite de la planète. Et maintenant, on va retrouver Fred en direct de Mexico. Ça va, Fred ? Oui, Jamie, comme tu peux le voir, je suis à Mexico. Ici, la circulation est très dense et on a l'impression que l'air est très pollué. Tu sais pourquoi ? Si l'air de Mexico est si pollué, c'est pour une raison simple. La ville est entourée de hautes montagnes et se situe dans une cuvette qui retient la pollution. Ah, j'aimerais bien voyager, moi aussi. Si seulement on pouvait voyager avec un jour. Ok, je pars en voyage, appelle-moi Raoul ou Docteur Maboul. Un clip d'Afghan et boum, je suis à Kaboul. Cher Cabo, wow, c'est qui ce capabo? J'ai plus peine la peine, oh Eddie, ça va pas gros? Si ça va mieux, je me remets calmement. T'inquiète tranquillement, mais t'as vu la taille de ce filament? Bon finalement, faut que je passe à autre chose. De la Jamaïcaine, c'est pas con, j'en mets une forte dose. Puis faut que je me pose, je suis bien comme à l'hôtel Hilton. Je ferme les yeux en deux secondes, je suis à Kingston. J'y vois Mac Romero, la sensation est kiffante. Devant son studio, il me voit. Il me dit mais rends, tu expliques que je voyage. Que moi aussi je fume des vœux différentes que la Jamaïcaine. Je me bise que c'est une bonne plante, puis c'est la ponte. Douce, doucement je me remets. J'ai l'impression que je me remets. Je bois un coup et je m'y remets. Et je m'arme d'une locale qui forconne. C'est le cru de 2005 qui arrive tout droit de Dordogne. Je suis au milieu des vignes, je me revois perdre 3 points. Avec dans mon sac, mais plus que de quoi faire de 3 joints. Cette puce de star, maman me dit que c'est un ancien Sartrouvillois. Mais putain, je suis un 33, pourquoi il m'a poursuivi moi? C'est pas comme histoire, il faut que je réagisse. Non, grâce au vocabulaire. De compte, je suis au Pakistan. Je suis tout foncé, dans mes pensées battant la mesure. Puis mon délire se casse, je vois les gosses fabriquant des chaussures. Voir ça sans censure, c'est dur, y'a même un estropié. Il est en train de confectionner les mêmes bombes que j'ai au pied. Je me sens tout honteux, écrase le spiff, me réveille. Puis l'odeur d'une grosse chimique, mais de nouveau mes sens en éveil. Et en effet, rien que de la voir, limite je bande. Elle sent trop fort, c'est sûr, ça arrive tout droit de Hollande. Donc je perds pas la main, me fais un joint, me mets bien, continue mon voyage. Sans besoin de Bova ou de train, j'arrive dans le quartier rouge, direct devant une vitrine. La pure dame trop bonne, me dit qu'elle s'appelle Catherine. En gros, elle est m'explique. Pour l'essayer, okay. Je prends mon temps, je la lis. Puis finis le joint au moment de payer. Bon alors qu'est-ce que j'ai pas encore testé? Où est ce fameux hash là? Il doit m'en rester, ouais. Je trouve une boulette, me fais un joint. De ce bon marocain, ton car, pas de Marocco. Salam alaikum. Bon c'est pas tout, mais il fait chaud. Pas qu'à Casablanca, je vais m'en faire un petit. Je dois bien avoir quelque chose de planqué, un truc qui va pas m'étaler. Tu te sens bien mon palais. Je veux un truc tout doux, mais je trouve qu'une boulette de népalais. Je t'y rappelle quelques tas. La fonte me calme, mon palais, je voulais gravir. Je me retrouve à gravir une montagne, une falaise à pic. Quelque part au Népal, la chance j'en ai pas. Mon pied rate son goût et je m'étale. Je roule au milieu des rochers, j'entends des craques dans tout mon corps. Tombe dans un lac, mais c'est dans le canapé que je me réveille encore. Gros foncé, je me dis que toute autre expérience est belle. Puis je tombe sur un peu de weed, que t'as de barmont, c'était ses veines. Elle est pas décevante, j'en fais un gros que je pose sur mes lèvres. D'école me surélève, puis dans un vrai, je retombe sur des chèvres. C'est pas le bon plan, en plus elle me mate bizarre. Faut que bouge avant qu'on prenne pour un fugitif ou un maquisard. Le berger me voit, sort son fusil, a pas l'air de rigoler. Chaude la clôture du champ, puis m'éclate dans les barbelés. En voulant me rattraper, je me baisse et m'écorche les doigts. Le spleen me tombe des mains et boum, je me retrouve encore chez moi. J'ai envie de soleil, au frais me chope une Heineken. J'ai envie de m'exciter, me confectionne un stick de mexicaine. Je tombe à Mexico, trop de films et trop de pollution. J'en jette même mon spleen, me retrouve chez moi, mais c'était la solution. J'aurais préféré un temps plein car je te passe les détails. Espérant voir mieux, à Bangkok, je me fais un spleen. Je suis dans un temple immense, franchement ça a de la gueule. Mais qui sont ces mecs en képi? Pourquoi ils me parlent? Qu'est-ce qu'ils me veulent? J'ai même pas foutu le bug. Je comprends pas ce qu'ils me disent, ils me matraquent au sol. Pas de hit you please, le chef monte mon flip. J'essaie de lui dire c'est un midi, ils me le prend des mains, je retombe chez one. Coup de balise dans tous les cas, pas mec. Tout ce que j'ai vu sans bouger de chez moi, j'ai plus voyagé qu'en allant bouffer un chinois. Mais que tu consommes ou pas, j'espère que t'as kiffé ce son. C'était le voyage cannabique 78, mesure de fonce D.